Depuis que je suis arrivé. T'es arrivé août 2017. Donc en fait c'est ta première année ici à Angers. Avant j'étais à Rennes. Dans la ville de Rennes? Ouais. T'es à l'école Saint-Jean-Saint-Thérèse. Tu rentrais tout seul aussi? Enfin avec tes parents? Je rentrais tout seul. Tu rentrais à pied? Ouais. Ouais. T'habitais loin de l'école? 20 minutes. Ouais. Une grande partie. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ça se passe bien. Hein? Oui. Ouais. En plus, ça nous sert à beaucoup de choses. Ouais. Par exemple? Bah. Oui. Non. Bah. Ça. C'est ça? Oui. Ouais. Non. Non. Ouais. Non, je suis en CM1. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Non. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Oui. Oui. Ouais. Non. Tu as des surprises sur le parcours? Non, jamais. Si. Oui. Si, des fois. Bah oui. Oui. D'accord. Non. Jamais? Si. Bah ça dépend. Oui. T'avais pas fait attention? Non. Bah oui, mais... Si, mais...